Je suis sur une route à double sens de circulation. Le marquage jaune est temporaire. Des travaux sont en cours. La ligne jaune continue à la même signification que si elle était blanche. Les dépassements sont interdits. La ligne continue jaune de droite est elle aussi infranchissable. Je ne peux pas m'arrêter sur l'accotement. Réponse B et D.